بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre de Cheikh Abdussalam ibn Burjis rahimahullah dans son livre Al-Amr bil-Uzumi Jama'at al-Muslimina wa Imamihim wa al-Tahdhir min Mufaraqatihim. Et donc aujourd'hui c'est le cours 8 comme on a dit, et le titre donc en français c'est l'ordre d'adhérer à la jama'a des musulmans ainsi qu'à leurs dirigeants et l'avertissement contre le fait de se séparer hein, d'eux, c'est-à-dire du dirigeant et de la jama'a. Et on est arrivé au chapitre qui s'intitule « At-ta'kidu ala mashru'iyyati qatl al-mufariqi lil-jama'a » c'est-à-dire la confirmation du fait qu'il est légiféré d'exécuter celui qui se sépare de la jama'a ou qui divise la jama'a. C'est-à-dire qu'il veut séparer la jama'a en se révoltant contre le dirigeant ou bien en essayant de lui opposer, de s'opposer à son autorité. Et on a mentionné dans des cours précédents, les deux derniers cours, on a lu les preuves de la sunna à ce sujet. Et aujourd'hui, donc, c'est une confirmation de ce principe-là avec les explications et les paroles des ulama. Donc, on continue, inshallah. Le cheikh, il dit, le cheikh Abdussalam ibn Burjis, rahimahullah, il dit « La raiba anna al-mafasid al-najimati anil khuruj ala imam al-muslimina azima » يشمل ضررها يشمل ضررها كل فرد من أفراد الجماعة ولا يقتصر الضرر على الدنيا فحسب بل على أمور الدنيا والدين ولعظم مفاسد الخروج وكثرتها ناسب أن يلحق الشارع بالمفارق للجماعة أشد العقوبات الدنيوية وهي القتل كما دل على ذلك حديث ابن مسعود وحديث عرفجة ابن شريح رضي الله عنهما. نعم. Donc ici le cheikh dit que les méfaits hein, les conséquences négatives qui découlent de la rébellion et de la révolte contre le dirigeant des musulmans, eh bien ces méfaits-là sont immenses. Et le mal qui sort de ces rébellions-là et de ces révoltes touche chaque individu parmi les individus des musulmans et de la jama'a. Et le mal qui découle de ces révoltes et de ces rébellions ne se limite pas seulement à un tort dans les éléments et dans les affaires de la dunya seulement, mais touche également aux affaires de la dunya et de la religion aussi. Et donc, à cause de la gravité, hein, à cause de la gravité des conséquences négatives des révoltes et des rébellions, et à cause des effets nombreux parmi ces effets négatifs-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi des punitions pour celui qui essaie de diviser les musulmans et d'opposer l'autorité du dirigeant et de causer la division de la jama'a, justement, les plus durs parmi les châtiments de la dunya et parmi celles-ci, l'exécution, la peine de mort pour celui qui veut diviser la jama'a. Et comme c'est établi, on l'a mentionné dans les hadiths, dans le chapitre précédent, par exemple, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et je pense que le hadith auquel il fait allusion, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda thalath al-thayyibu al-zani wal-nafsu bin-nafs wa al-tariqu li-dinihi al-mufariqu lil-jama'a » Donc ça c'est le hadith en question. C'est-à-dire que le sang du musulman n'a pas le droit de, de, de, On n'a pas le droit de faire couler le sang d'un musulman, excepté pour trois raisons. Et il a mentionné les causes pour lesquelles un musulman peut être exécuté, par exemple, dans un pays musulman. C'est lorsque, par exemple, quelqu'un a commis l'adultère. Lorsqu'il a commis l'adultère, eh bien, on sait que la peine pour l'adultère, c'est la peine de mort par lapidation. Wan-nafsu bin-nafs, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a commis un meurtre en islam, la punition pour ça, c'est la peine de mort, à condition, c'est-à-dire à condition que, ou bien à l'exception des cas où la famille du défunt et de la victime décide d'excuser ou de pardonner au meurtrier. Alors dans ce cas-là, la personne sera épargnée, hein, mais sinon c'est la peine de mort. En règle générale, la punition pour le meurtre, c'est la peine de mort. Et c'est-à-dire la personne qui a apostasié de sa religion et qui s'est séparée de la jama'a, dans le sens qu'elle s'écarte de l'obéissance du dirigeant, dans le sens que elle appelle à la rébellion ou à la révolte et à se rebeller contre celui qui détient l'autorité dans le pays. Alors dans ce cas-là, s'il prend les armes contre les musulmans, alors dans ce cas-là, il sera exécuté. Et donc ça sera bien entendu à la décision du chef de l'État, c'est-à-dire du dirigeant musulman, qui va décider de ces choses-là. Et ça, c'est des règles qui font partie des règles de l'islam. Et c'est pour établir une stabilité, hein, dans le pays et pour faire en sorte qu'il y ait de l'ordre et que l'État puisse être géré d'une façon qui est équilibrée et non et pas que n'importe qui veut prendre le pouvoir, il prend son arme puis il fait un coup d'État. Et donc à chaque fois que les gens ne sont pas satisfaits de leurs dirigeants, ils prennent les armes ou ils sortent dans la rue, ils commencent à faire des manifestations. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est permis en islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce genre de comportement. Et la raison pour laquelle il a interdit ces choses-là, c'est pour les conséquences négatives qui découlent de ça. Et c'est ça que le cheikh, maintenant, il va expliquer. Et il dit. وقد تقدم الكلام على أن الشارع أحل دم المفارق للجماعة ونقلنا كلام العلامة النووي رحمه الله تعالى ولتأكيد هذا الحكم عن الشارع الحكيم أسوق أقوالا لأهل العلم في ذلك ليتبين المسلم أن هذا الحكم لا يختلف عليه أهل العلم من كل مذهب وليعلم أن هذا الحكم القوي العادل إنما جاء ليتناسب مع شدة الجريمة وخطورتها وليزجر كل نفس ضعيفة عن الوقوع فيها. Donc ici le cheikh il explique que on a déjà mentionné les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indiquent qu'il est licite, hein, de prendre la vie de celui qui s'oppose à la jama'a, c'est-à-dire qui appelle à la rébellion contre le dirigeant. Bien entendu, ça, c'est des règles qui s'appliquent aux dirigeants seulement, pas des règles qui sont applicables par les individus qui composent la population, qui n'ont aucune autorité, hein, comme le musulman ordinaire ou le musulman du commun. Il ne peut pas se permettre d'appliquer ces règles-là par lui-même. Il faut que ce soit quelqu'un qui a l'autorité, donc le dirigeant et ceux qui ont été désignés par le dirigeant pour pouvoir appliquer ces règles-là. Et si quelqu'un le fait de lui-même sans l'autorisation ou sans l'ordre du dirigeant, eh bien dans ce cas-là, il aura commis lui-même un crime. Il aura lui-même commis un crime et il devra être puni pour ça parce qu'il a dépassé sa limite. Et il a empiété sur les responsabilités du dirigeant. Et ça, en soi, c'est un crime en islam. Donc, on a cité les paroles de l'imam an-Nawawi à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il dit, et pour confirmer le jugement du législateur sage, Allah subhanahu wa ta'ala, et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet-là, eh bien, on va mentionner des paroles des savants de l'islam et des hommes de science qui vont clarifier aux musulmans, et pour que le musulman comprenne avec clarté et avec compréhension le jugement de cette question dans la religion, sur laquelle aucun savant n'a divergé, peu importe l'école ou le madhab auquel il appartient, et pour qu'il sache également que ce jugement qui est fort et qui est juste, il correspond à la gravité du crime et au danger que ce crime-là représente lorsque quelqu'un appelle à la rébellion ou bien se révolte contre le dirigeant, pour que toute âme qui aurait une faiblesse et une tentation de tomber dans ce genre de crime réfléchisse à deux fois avant de s'y avancer et qu'il sache le danger de ça. Donc, en voyant les peines et le danger de la punition qui l'attend, ça va l'amener à y penser deux fois et à s'abstenir justement de prendre les avants dans ce genre de comportement et d'attitude qui est contraire à l'islam. C'est-à-dire d'appeler à la rébellion ou à un coup d'État ou à des choses de ce genre. Donc on va commencer maintenant l'explication. Le cheikh, il commence en disant... Donc le cheikh, il dit... Donc... فمما أكد هذا الحكم أيضا الإمام فممن أكد هذا الحكم أيضا الإمام ابن عبد البر رحمه الله بكلام بديع تضمن أيضا الرد على الشبهات التي قد تثار على هذا الحكم فقال الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة أو مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك فإن قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني أو فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فمن قال لا إله إلا الله حرم دمه قيل لقائل هذا أو لقائل ذلك لو تدبرت قوله في هذا الحديث إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننته Et le cheikh, il dit, parmi les paroles qui ont été mentionnées par les ulama qui confirment ce verdict, c'est-à-dire le verdict de l'exécution de la personne qui se rébelle contre les dirigeants et qui prend les armes contre eux, eh bien, il y a la parole d'un des imams parmi les ulama, des salafs, l'imam Ibn Abd al-Barr, Abu Yusuf Ibn Abd al-Barr, rahimahullah. Il a dit une parole très intéressante à ce sujet-là, qui comprend la réfutation même de certaines ambiguïtés qui peuvent être présentées à propos de ce jugement-là ou de ce verdict-là. Et donc, parmi les explications qu'il a mentionnées, il dit que les narrations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là indiquent toutes que celui qui se sépare de la jama'a et qui essaie de diviser l'unité des musulmans et qui diverge avec le dirigeant et la société, le dirigeant et les gens qui se sont mis autour de lui et qui sont d'accord avec lui et avec son autorité, eh bien, son sang doit être, son sang devient licite, c'est-à-dire qu'il est légiféré que cette personne-là soit exécutée et que celui qui agit de cette façon, il doit être combattu. Il doit être combattu. Et les ulama, ils disent par exemple que si cette personne-là, elle est toute seule par exemple, ou c'est une personne, un individu qui le fait, le dirigeant peut décider de l'exécuter. Toutefois, si c'est un groupe de personnes qui sont réunies et qu'ils ont des armes et une force, alors dans ce cas-là, ils vont être combattus. Ils vont être combattus comme les Khawarij à l'époque de Ali radiallahu anhu et à l'époque des Khulafa par la suite. Lorsque les Khawarij ont pris les armes, eh bien les dirigeants et les Khulafa les ont combattus. Ils ont combattu sans pitié. Hein? Et le cheikh, il dit que certaines personnes peuvent dire, par exemple, « Oui, mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « J'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah ». Et lorsqu'ils l'ont dit, eh bien, ils seront protégés. Hein? Ils seront protégés dans leur sang et dans leur bien, excepté pour un de ses droits. Et leur jugement incombera à Allah. » Alors, puisque ces musulmans-là ont dit « La ilaha illallah », leur sang est donc protégé. On n'a pas le droit de les exécuter. Hein? Ça, c'est une shubha en réalité. C'est une ambiguïté, puisque le hadith ne dit pas que son sang est protégé de façon absolue, peu importe ce qu'il fait. Mais plutôt, comme l'imam Ibn Abdul Barr, il le dit lui-même, si tu réfléchis sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, tu vois qu'il a dit « excepté pour un de ses droits ». Donc, si quelqu'un va à l'encontre d'un des droits de la ilaha illallah, eh bien, par conséquent, son sang ne sera pas protégé pour ça. Hein? Et ça, c'est une explication par rapport à cette ambiguïté-là qui réfute ce que ces gens-là pensent. Et il dit « wala imta annahu khilafa ma dhanant ». Si tu médites sur cette parole-là, excepté pour un de ses droits, tu vas comprendre que c'est la réalité est le contraire de ce que tu penses. Et il explique pourquoi. Il dit « Ala tara anna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qad radda ala Umar ma naza'a bihi min hadha al-hadith wa qala min haqqiha az-zaka fa fahima Umar dhalika min qawlihi wa ansarafa ilayhi wa ajma'a as-sahaba alayhi fa qatalu mani'a az-zaka kama qatalu ahla ar-ridda wa sammahum ba'dhum أهل ردة على الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة ومعلوم ومشهور عنهم أنهم قالوا ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا. Donc ici le cheikh il dit ne vois-tu pas que le contexte de ce hadith, hein? Parce que le hadith il a un contexte, il y a une histoire avec. Et l'histoire qui est reliée à ce hadith-là, c'est une discussion qui a eu lieu entre Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il a dit qu'il voulait combattre les gens qui refusaient de payer la zakat. Parce qu'après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup des Arabes et des tribus arabes qui avaient accepté l'islam et qui avaient commencé à payer la zakat ont refusé par la suite, de continuer à payer la zakat. Parce qu'ils ont dit, c'est un tribut qu'on donnait au messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même durant sa vie. Mais maintenant que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, eh bien, on n'a plus à lui remettre d'argent. On n'a pas à lui donner de zakat maintenant parce qu'il est décédé. Sauf que la zakat, ce n'est pas un tribut, en réalité, qui était donné au messager d'Allah. Hein? C'était un des droits parmi les droits d'Allah qui fait partie des obligations de l'islam et un des piliers parmi les piliers de la religion qui doit être donné pour les pauvres de la Ummah. Donc, il n'y a pas d'exception ou de limite dans le temps ou le fait de payer la zakat, ce n'est pas quelque chose qui est relié à une alliance ou une soumission à un être humain ou à une personne. Hein? La zakat, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et non pas pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, qu'est-ce que Omar ibn al-Khattab a dit quand Abu Bakr lui a dit qu'il voulait les combattre, ceux qui ne voulaient pas payer la zakat? Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, hein, il s'est objecté à ça. Omar ibn al-Khattab, il a dit non, il ne faut pas les combattre. Et Abu Bakr a dit pourquoi? Pourquoi il ne faut pas les combattre? Il a dit parce que ce sont des musulmans. Ils ont dit la ilaha illallah. Et donc, par conséquent, ils ne peuvent pas être combattus puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Une fois qu'ils l'ont dit, eh bien, ils seront protégés dans leur sang et dans leur bien, excepté pour un de ses droits. Hein? Et c'est Allah qui va les juger pour le reste. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a répondu à Abu Bakr à ce sujet. Il a répondu à Omar ibn al-Khattab à propos de ça. Il lui a fait comprendre que sa compréhension, elle était incomplète ou incorrecte par rapport à ce hadith. Et qu'en réalité, ici, Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, et qu'une fois qu'ils l'ont dit, ils seront protégés hein, dans leur bien et dans leur sein, hein, dans leur sein ou dans leur bien, excepté pour un de ses droits. Et c'est ça la clause hein, ou l'argument de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ici, c'est de faire comprendre à Omar ibn al-Khattab et aux sahaba qui étaient de cette opinion-là que la zakat fait partie des droits de la ilaha illallah, et que si quelqu'un refuse ou s'abstient de vouloir payer la zakat, eh bien, à partir de ce moment-là, hein, il ne sera, son sang ne sera plus protégé, hein, son sang ne sera plus protégé par le fait d'avoir prononcé ou d'avoir dit la ilaha illallah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même, même Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit, je vais les combattre même s'ils refusent de donner une corde qu'il donnait au messager d'Allah. Donc ça veut dire que, yani, la zakat fait partie des droits de la ilaha illallah, et que si quelqu'un contredit un des droits de la ilaha illallah, eh bien cette protection de son sein et de ses biens, elle est limitée par ça, par les droits également de la ilaha illallah. Et donc ici le cheikh il explique que Omar ibn al-Khattab, quand Abu Bakr lui a expliqué ça, il a compris et il a accepté et il a quitté son opinion qu'il avait auparavant, et tous les sahaba se sont mis d'accord avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors ils ont combattu ceux qui refusaient de payer la zakat de la même manière qu'ils ont combattu les gens de l'apostasie. Hein? Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ceux qui refusaient de payer la zakat et il y a les gens de l'apostasie. C'est-à-dire il y en a qui sont retournés à l'idolâtrie parmi les Arabes. Et il y a d'autres également qui ont suivi Moussaïlama, Al-Kadhab, le faux prophète. Donc, il y avait différentes catégories de personnes, mais les sahaba n'ont pas fait de distinction entre eux dans le fait de les combattre, et ils ont combattu ceux qui refusaient de payer la zakat de la même manière qu'ils ont combattu ceux qui sont retournés à l'idolâtrie et ceux qui ont quitté l'islam en suivant le faux prophète, parce qu'ils ont dit, ceux-là, même s'ils ne sont pas des apostats, ceux qui ont refusé de payer la zakat, même s'ils ne sont pas des apostats, mais ils sont ils ont quand même rejeté, hein, ils sont revenus de payer la zakat. Donc, de ce sens-là, ils ont fait une forme, disons, comme le cheikh dit, لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة. Ils sont revenus d'avoir payé la zakat. Et الردّة ou الارتداد, ça veut dire le fait de revenir. Hein? Donc, sur le sens linguistique, il y a un lien avec qu'est-ce qu'ils ont fait, puisque ils sont revenus de la zakat, dans ce sens-là. Et il dit, c'est très connu que ces Arabes-là, ils disaient, on n'a pas délaissé notre religion, c'est juste qu'on est avare pour nos biens. On veut plus donner la zakat parce qu'on veut garder nos biens. Donc, ils n'avaient pas renié la foi ou l'islam, mais ils ont refusé de payer la zakat, mais Abu Bakr les a combattus quand même. Ah. Ok. Après, le cheikh, il dit, فَكَمَا جَازَ قِتَالَهُمْ جَازَ قِتَالُهُمْ عِنْدَ جَمِيعِ الصَّحَبَةِ عَلَى مَنْعِهِمْ الزَّكَاءِ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَّا بِحَقِّهَا فَكَذَلِكَ مَنْ شَقَّ عَصَى الْمُسْلِمِينَ وَخَالَفَ إِمَامَ جَمَاعَتِهِمْ وَفَرَّقَ كَلِمَتَهُمْ لِأَنَّ الْفَرْضَ الْوَاجِبُ اجْتِمَاعُ كَلِمَةِ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير متفرقة. Donc il dit le cheikh ensuite que, donc il dit de la même manière qu'il était permis pour tous les sahaba de combattre ceux qui refusaient de payer la zakat, et bien de la même manière ils ont compris que ça faisait partie de la signification de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Illa bihaqqiha » excepté pour un de ses droits. Et le cheikh il dit « Wa kadhalika man shaqqa asa al-muslimin wa khalafa imama jama'atihim wa farraqa kalimatahum » Il dit de la même manière que celui qui essaie de diviser l'unité des musulmans et qui essaie de s'opposer et de contredire la jama'a, le dirigeant, ainsi que les musulmans qui se sont réunis autour de lui et qui cherchent à diviser leurs paroles. Hein? Donc, ils ont, en faisant ça, contredit un des droits de la ilaha illallah aussi. Le cheikh, il dit ensuite, « لأن الفرض الواجب وعليكم السلام ورحمة الله لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير متفرقة. Donc il dit l'obligation, c'est quoi? C'est que la parole des gens qui ont cru en la religion d'Allah, c'est-à-dire les musulmans, que leur parole soit unie. Hein? Et qu'ils soient ensemble et non divisés vis-à-vis, hein, dans leur religion, vis-à-vis des non-croyants. Et que leur parole soit une parole unique et que leur groupe soit un groupe qui n'est pas divisé. Donc ils doivent être unis, hein, sur la vérité. Et le cheikh, il dit « Wa min al-huquq al-muriqa lid-dima' al-mubihah lil-qital al-fasad fi al-ard wa qatl an-nafs » وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان وامتناع والامتناع من حكمه وهذا كله داخل تحت قوله إلا بحقها كما يدخل في ذلك الزاني المحصن وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه انتهى كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله. Donc ici ensuite, l'imam Ibn Abd al-Barr, il dit donc que les droits qui permettent que le sang d'une personne soit répandu et qu'il puisse être exécuté, c'est les choses suivantes, parmi les droits suivants. Premièrement, il a mentionné « al-fasad fil ard », donc ceux qui font le désordre sur terre. Hein, ils sèment le désordre de la corruption sur terre. Deuxièmement, bon, par exemple, parmi ceux qui sèment le désordre sur terre, les brigands, les groupes de crimes organisés, les gens qui coupent les routes et qui volent les voyageurs ou les gens qui circulent dans les différents pays. Ça fait partie, comme on appelle en arabe, « Qutta al-Turuq ». En arabe, on les appelle « Qutta al-Turuq ». C'est quoi? C'est des bandits. Ils attendent les caravanes ou les convois sur la route, que ce soit des convois de marchandises ou des voyageurs, et ils leur font des embuscades sur le chemin, hein, comme par exemple comme on voit parfois les trucs de cowboy à l'époque, comment ils faisaient dans les cowboys, qu'est-ce qu'ils faisaient les qui voulaient cambrioler les caravanes, ils cassent un arbre, ils bloquent le chemin, et là quand la caravane arrive, eh bien, ils viennent avec leurs armes et puis ils prennent l'argent des gens, hein, et puis ils s'enfuient par la suite. Ou bien, des fois, c'est des camions qui a des marchandises qui conduisent ou qui transportent des marchandises. Ils s'arrêtent, ils les volent et puis ils s'en vont avec la marchandise. Des fois, c'est avec de l'argent, des fois, c'est avec d'autres choses. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe « qutta al-turuq ». Hein, ça, c'est des bandits. À notre époque, les groupes organisés, les groupes de crimes, ils ont toutes sortes de différentes formes. Maintenant, il y a des gangs, hein, il y a des groupes de gangs, des bandes de crimes organisés, que ce soit pour le trafic de drogue, que ce soit pour la prostitution, que ce soit aussi pour les trafics d'organes. En tout cas, ça peut avoir toutes sortes de formes. Hein? Tous ces gens-là rentrent dans cette catégorie de personnes qui font « al-fasad fil ard ». Et dans l'islam, même si ces gens-là sont musulmans, hein, et qu'ils font ces crimes-là, eh bien, on ne va pas dire parce qu'ils sont musulmans, leur sang est protégé, on n'a pas le droit de les exécuter. Parce que les crimes qu'ils font, hein, sont très grands. Et donc, ça nécessite qu'ils reçoivent une peine qui correspond justement à la gravité de leur péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement à propos de ce crime-là dans le Coran, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. Dans Sourate Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné les peines qui peuvent être données à ce genre de crime. D'accord? Et il a mentionné qu'il soit tué ou qu'il soit crucifié ou qu'il soit amputé les membres opposés, les mains et les pieds opposés, ou bien qu'il soit expulsé du pays. Donc ça fait partie des exemples de règles qui ont été établies pour ceux qui font le désordre sur la terre, selon la gravité du péché, bien entendu. Et après, il dit « wa qatl an-nafs », ça veut dire celui qui a commis un meurtre, eh bien, dans la charia, la punition pour le meurtre, c'est la peine de mort. Hein? Comme je disais tout à l'heure, excepté si la famille de la victime a choisi de faire miséricorde au tueur, elle peut l'épargner. Hein? Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas chez les kuffars. C'est-à-dire que, par exemple, dans des pays de kuffar, par exemple, où il y a la peine de mort, par exemple aux États-Unis, il y a des États où il y a la peine de mort encore aujourd'hui. Si quelqu'un, par exemple, il a tué quelqu'un, bon, il ne va pas être excusé, même si la famille du défunt dise on lui fait miséricorde, on ne veut pas l'exécuter. Hein? Eh bien, dans l'islam, non. Les héritiers ou bien les responsables de la famille du défunt peuvent dire oui, on l'excuse celui-là, on ne veut pas appliquer la peine sur lui. Hein? Ouais, non, c'est pour ça que, comme tu dis, al-fasad, il y a différents degrés de façade, il y a différentes sortes de façades aussi. D'accord? Donc, ici, quand on regarde par exemple les explications des ulama, quand on regarde le tafsir par exemple du verset que j'ai mentionné, hein, eh bien, on voit que les ulama, ils ont mentionné que le façade, il peut être à différents degrés. Et c'est pour ça que, selon la gravité, il y aura des punitions différentes. Et on voit que dans le verset, il n'y a pas seulement une seule punition qui a été mentionnée, mais il y en a plusieurs. Et donc, plus la personne... Parce que des fois, il y a des criminels, ils font un crime, mais dans le crime qu'ils ont fait, il y a plusieurs crimes qui sont réunis. Comme par exemple, il y a quelqu'un qui va venir pour voler l'argent de quelqu'un ou faire un hold-up, par exemple. Mais en faisant son hold-up, il a tué un gardien de sécurité et en plus, il a blessé quelqu'un ou des choses comme ça. Donc, dans son crime, il y a plusieurs crimes réunis. Donc, lui, il va avoir plusieurs punitions réunies aussi en même temps. D'accord? C'est pas la même chose que celui qui a juste volé l'argent. Celui qui a juste volé ne va pas être exécuté. Hein? Et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça, le façade, il a différents degrés. Ensuite, قتل النفس on l'a dit, hein, l'exécution pour celui qui a tué. انتهاب الأهل والمال, hein, le fait de, par exemple, que quelqu'un, il porte atteinte au bien ou à l'honneur d'une personne, ou il viole une femme ou des choses comme ça, il y a des peines pour ça. البغي على السلطان, le fait que quelqu'un, par exemple, il se rebelle contre le dirigeant, hein, et il s'oppose à son autorité, ou il rejette, ou il refuse son jugement. Et donc, il dit, tout ça rentre dans les droits de la ilaha illallah qui doivent être respectés. Et on peut également faire rentrer dans ça, qu'est-ce qu'on a mentionné, la personne qui fait l'adultère. Parce que la punition pour l'adultère dans l'islam, c'est la peine de mort par lapidation. Bien entendu, c'est lorsque la personne a établi les quatre témoins. Et قتل النفس, on l'a dit, celui qui a exécuté, qui a fait un meurtre. Et المرتد, hein, celui qui a apostasié de sa religion. Donc ça, c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Abdelbar dans son livre, qui est l'explication de Al-Muwatta, qui s'intitule At-Tamhid. Maintenant, le cheikh, il va citer une autre parole de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. إذ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن لم يندفع فساده ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فك إلى آخر الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. انتهى كلامه. Donc Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, celui qu'on ne peut repousser son désordre sur la terre excepté en le tuant, alors il sera exécuté. Hein? Si par exemple quelqu'un, tu ne peux pas repousser le désordre qu'il fait excepté en le tuant, alors dans ce cas-là, la peine ce sera qu'il devra être exécuté. Et c'est comme la personne qui veut diviser les musulmans, hein, qui s'oppose aux dirigeants et qui, par exemple, il n'est pas satisfait du dirigeant pour différentes raisons. Hein, que ce soit par exemple parce que il veut le pouvoir à sa place, hein, comme Ahlul al-Burat, ce qu'on appelle al-Burat, c'est des gens, ils voient qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir et eux, ils sont jaloux, ou bien ils pensent qu'il n'est pas un bon dirigeant, ils veulent remplacer ce dirigeant-là. Hein. Ce n'est pas nécessairement qu'ils considèrent qu'il est kafir, comme les Khawarij par exemple. Les Khawarij, eux, ils considèrent qu'il faut se rebeller contre le dirigeant parce qu'il commet des péchés ou il est injuste. Donc, par conséquent, celui qui est injuste, il doit être enlevé du pouvoir. Donc, ils vont le combattre pour ça. Parce qu'ils considèrent qu'il a commis des péchés, donc il est kafir. Tandis qu'il y a d'autres catégories parmi les gens qui font la rébellion contre les dirigeants. Et eux, ils ne considèrent pas nécessairement le dirigeant comme étant kafir. Ils disent, oui, c'est un musulman. Sauf que ce dirigeant-là, il n'est pas un bon dirigeant, ou bien il ne mérite pas d'être au pouvoir, ou bien je mérite plus d'être au pouvoir que lui, ou bien je veux avoir le pouvoir parce que j'aime l'argent, j'aime l'autorité. Et je veux enlever ce dirigeant-là du pouvoir pour me mettre à sa place parce que moi, je veux le pouvoir pour moi. Ça, c'est ce qu'on appelle al-Burat. Ils sont pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement la même croyance que les Khawarij. Sauf que les ulama, de façon générale, ils les qualifient de Khawarij. Ils les qualifient de Khawarij. Et donc, ceux-là sont combattus. Sont combattus de toute façon. D'accord? Et... ici, parfois, vous avez des égarés parmi les Khawarij ou bien des gens qui ont des Shubuhat qui essaient d'utiliser ça comme une excuse pour dire « Oui, mais il y a eu certains savants ou certains individus qui se sont rebellés contre certains dirigeants. » Est-ce que vous allez les appeler des Khawarij, ceux-là, hein? Et les ulama de l'islam, ils réfutent ces idées-là en expliquant que quand un savant ou un alim, hein, il a fait un acte qui est contraire à l'islam, mais que lui, il s'est basé sur un ijtihad qu'il a fait et il pensait faire quelque chose de bien, eh bien, celui-là, il sera excusé parce que c'est quelqu'un qui était sur la sunna à la base. Il ne faisait pas partie des gens de bid'ah et il a fait un ijtihad dans lequel il a fait une erreur. Donc, on dit il s'est trompé dans son ijtihad et on demande à Allah de le pardonner. Mais quelqu'un qui... fait partie des gens de bid'ah qui a la croyance des Khawarij et qui croit en la validité de cette méthodologie de se rebeller contre les dirigeants et qui pense que ça c'est quelque chose qui est permis en islam ou que c'est acceptable en islam, alors ça c'est clair que cette personne-là, elle fait partie des gens de l'égarement et des gens de bid'ah. Et les salafs, ils se sont mis d'accord sur ce principe-là, hein? Même si au début, pour certains, ce n'était pas clair. Une fois que la chose a été clarifiée et que les hadiths et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée sur cette question-là, les ulama se sont tous mis d'accord. Donc tous les imams des salafs aujourd'hui, depuis l'époque des salafs jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours été d'accord sur ce principe, que la rébellion contre les dirigeants, c'est interdit. Et le cheikh, il dit donc que, comme on a dit ici, celui dont le désordre on ne peut le repousser que par l'exécution, alors il sera exécuté, comme l'exemple de celui qui a tué ou celui qui a fait le désordre sur la terre en appelant à la rébellion contre les dirigeants, il veut diviser la jama'a, ou bien celui qui appelle à des bid'a dans la religion, hein. Il y a des gens qui appellent à des innovations dans la croyance et dans la religion, hein. Ces gens-là, parfois, Il y a seulement le fait de les exécuter qui peut les stopper. Hein? Et il mentionne à ce sujet-là le verset dans Surat al-Ma'ida. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Donc, je vais vous lire la traduction de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, c'est le verset 33, dans Surat al-Ma'ida, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre. Ça veut dire que ça, c'est une clause dans le verset. C'est une clause dans le verset. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est pour cette raison que nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne, mais qu'ils l'ont tué cette personne, non pas parce qu'elle était coupable d'un autre meurtre ou qu'elle avait fait une corruption sur la terre, mais ils l'ont tué alors qu'elle est innocente. Alors dans ce cas-là, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque fait don de vie, alors c'est comme s'il faisait le don de vie à tous les hommes. Donc, ce point-là, ici, c'est comme pour dire que si le dirigeant, par exemple, il exécute une personne qui est coupable de meurtre ou d'une corruption sur terre, eh bien, ça, c'est pas la même chose. C'est pas comme s'il avait tué tous les hommes. Il a tué tous les hommes seulement dans le cas où il a tué quelqu'un qui n'était pas coupable de meurtre, c'est-à-dire une personne innocente, ou qui n'avait pas fait de la corruption sur terre. Donc, si celui qui a fait la corruption sur terre ou qui a fait le désordre, lui, il n'est pas, comme on a dit tout à l'heure, il n'est pas protégé dans son sang. Et l'autre exemple de ça, c'est le hadith que le cheikh il a mentionné et qu'on a déjà lu. Si on a donné l'allégeance à deux dirigeants, à deux khalifas, il y a deux groupes. On va dire qu'il y a un musulman qui a été choisi par des musulmans pour être le khalifa. Et lui ont donné l'allégeance. Puis, après qu'on ait donné l'allégeance au premier, il y en a un autre qui vient, puis qui dit, moi aussi je suis un khalifa, puis qui demande aux gens de lui donner l'allégeance. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on a donné l'allégeance à deux khalifas, il a dit, tuer le dernier des deux. Tuer le dernier des deux. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir deux dirigeants dans le même, pour les musulmans en même temps, dans un pays. Sinon, il y aura le désordre. Vous imaginez s'il y avait deux présidents dans le même pays et que chacun il a une autorité, et il y aura la guerre. Guerre civile ou guerre dans le pays. Et l'autre hadith à ce sujet-là qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque vous vient alors que les gens sont unis autour d'un seul homme et qui veut diviser votre groupe, alors frappez-lui son cou avec l'épée, peu importe qui il est. » Fin de la citation. Frappez-lui son cou, peu importe qui il est. Et ça, c'est-à-dire que la personne en question qui fait le désordre, qui veut diviser la diamant, il doit être exécuté. Ensuite, le cheikh il dit وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام على حديث عرفجة ابن شريح ونحوه دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلناه فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il cite les paroles de l'imam al-San'ani dans son charh de Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram, c'est un livre de hadith qui mentionne uniquement les hadiths sur les règles de la charia, divisés par chapitre selon les chapitres de fiqh. Et Bulugh al-Maram, dans Bulugh al-Maram, il y a un chapitre qui parle de ce sujet-là. Et dans son charh, Subul al-Salam, le Sheikh al-San'ani, l'Allama al-San'ani, il explique le hadith de Arfaja ibn Shuraih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que celui d'entre vous qui vient alors que vous êtes unis autour d'un seul homme et qui veut diviser votre jama'a, alors tuez-le peu importe qui il est. Hein? Donc, ce hadith-là, le cheikh As-San'ani, il dit ça, ces mots qui sont employés dans le hadith indiquent et prouvent que quiconque se rebelle contre un dirigeant musulman au sujet autour duquel les musulmans se sont mis d'accord, hein, ils ont mis leurs paroles unies, hein, ils se sont réunis sur leurs paroles à son sujet, et le cheikh, il dit cela, ça signifie quoi? Les musulmans d'un pays en question ou d'une contrée ou d'une région en particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire que ce soit le dirigeant de tous les pays musulmans ensemble, en même temps. Non. S'il est dirigeant dans un pays, parmi les pays musulmans, alors il a les règles et les droits du khalifa. Même s'il ne se fait pas appeler lui-même khalifa, ou même si on l'appelle président ou roi, ou peu importe. Il est le khalifa de la région dans laquelle il est au pouvoir. Donc, si dans cet endroit-là, quelqu'un vient et il veut se rebeller contre ce dirigeant-là, alors que les musulmans se sont mis autour de lui et ils sont d'accord sur... c'est-à-dire, se sont mis d'accord dans le sens que leur parole est unie autour de lui, eh bien, si quelqu'un vient dans cette région-là et il veut se rebeller contre ce dirigeant, alors il mérite d'être exécuté parce qu'il a ramené du tort, hein? Il a fait un tort au serviteur, hein? Il a fait un tort au serviteur d'Allah, c'est-à-dire aux êtres humains, parce que ça va créer des désordres, ça va créer des guerres, ça va créer des rébellions. Et quand on voit les conséquences de ce qui s'est passé dans plusieurs pays à notre époque, que ce soit des pays musulmans ou des pays non musulmans, eh bien on constate les conséquences de ces exemples-là, hein? On voit par exemple qu'est-ce qui s'est passé en Somalie, hein? Depuis qu'il y a eu le coup d'État, il n'y a jamais eu d'ordre ou de stabilité là-bas, alors que ça fait très longtemps, hein? Ça fait très longtemps que c'est arrivé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu trouves des Somaliens un peu partout dans le monde, hein? Tu vois des communautés somaliennes au Canada, aux États-Unis, en Europe, dans différents pays, hein? Tout ça parce qu'il y a eu un coup d'État dans leur pays et ça a créé le chaos. Tu trouves la même chose, par exemple, avec l'Algérie. Quand il y a eu des problèmes en Algérie, maintenant, tu trouves des communautés algériennes dans plein de pays, des pays occidentaux, des pays de coufre. Les gens ont commencé à quitter en masse. Hein? La même chose, maintenant, tu l'as vu, ça s'est produit en Syrie, ça s'est produit en Irak, ça s'est produit en Libye. Ça s'est produit en Afghanistan, ça s'est produit dans plein d'autres pays. Et le résultat de ces révoltes et de ces rébellions et de ces chaos, de ces guerres, eh bien, c'est la perte de vie, la perte de sécurité, la perte d'honneur, la perte de biens. Hein. Toutes ces choses-là sont des conséquences de ça. Nasrallah al-Afiya. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ces rébellions-là. Et la dernière citation que le cheikh il a mentionnée, c'est une parole de cheikh Sulayman bin Sahman, rahimahullah, dans Ad-Durar As-Saniya, fil Ajwibati Najdiya, qui est rassemblée par le cheikh Abdurrahman ibn Qasim. Il dit, parmi les ulama des imams de la da'wa, les élèves, les descendants des élèves de cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, en Arabie, parmi eux, le cheikh Sulayman bin Sahman qui a dit « Al-jihad mashru'un li ahadi umur hein? Minha al-khuruj an ta'ati wali amri al-muslimin faman kharaja an ta'atihi wajaba jihaduhu ala jami' al-umma walau kana al-kharij musliman kama jahada Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu al-khawarij wa huwa ya'taqidu islamahum فإنه سئل عن كفرهم فقال من الكفر فروا وقال مرة أخرى لما سئل عنهم إخواننا بغوا علينا والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وما زال الأئمة في كل زمان ومكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين، والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم على ذلك، ويصنفون التصانيف في فضل ذلك وفي فضل من قام فيه. ولا شك ولا يشك أحد منهم في ذلك إلا أن يأمر الإمام بمعصية الله، فلا تحل طاعته لأحد، بل تحرم طاعة مخلوق في معصية الخالق. انتهى كلامه رحمه الله. Donc ici le Cheikh Abdussalam ibn Burjis, il a cité donc la parole de Cheikh Sulaiman ibn Sihman qui est mentionné dans Ad-Durar al-Saniya. Et il dit le Cheikh Sulaiman ibn Sihman que le djihad il est légiféré pour différentes choses. Et parmi les choses pour lesquelles le djihad a été légiféré, c'est contre de faire le djihad contre celui qui se rebelle contre l'autorité du dirigeant des musulmans. Donc si quelqu'un dans un pays musulman appelle à la rébellion ou bien se rebelle contre le dirigeant, il est du devoir des musulmans de faire le djihad contre ce rebelle-là et contre les rebelles qui sont avec lui. Donc ça fait partie ça aussi du djihad. Hein? Et donc par exemple des groupes comme Al-Qaïda ou des Khawarij comme Al-Qaïda ou bien Daesh ou d'autres groupes comme ça, eh bien, quand les musulmans les combattent, et ils combattent ces groupes extrémistes de Khawarij, eh bien, ça fait partie du djihad de les combattre aussi. D'accord ? Avec le dirigeant, bien entendu. Et il dit, donc, Cheikh Sulaiman ibn Sihman, il dit, donc, celui qui sort, qui se rebelle contre l'autorité du dirigeant et contre son obéissance, il est obligatoire de faire le djihad pour toute la Ummah. Hein? Il dit, il est obligatoire pour toute la Ummah de faire le djihad contre lui. Même si la personne qui s'est rebellée est musulman, même si c'est un musulman, on considère que de combattre contre lui, c'est un djihad. Même si c'est un musulman, c'est-à-dire les Khawarij, ils sont musulmans. Hein? C'est des gens qui se disent musulmans. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont musulmans, on ne va pas les combattre. Hein? Pourquoi ? Parce qu'ils font du désordre sur la terre. Ils tuent les croyants sans aucune pitié, et ils considèrent que quiconque commet un péché devient kafir. Donc ces gens-là, ils vont parfois être plus durs envers les musulmans que les kuffars, que les juifs et les chrétiens. Ils font plus de tort aux musulmans que les juifs et les chrétiens, et par conséquent, ils sont un plus grand danger pour les musulmans que les juifs et les chrétiens. Et c'est pour ça que Ali ibn Abi Talib, il a fait le djihad contre les Khawarij. Il les a combattus. Parce que eux, les Khawarij, pensaient que le fait de combattre les Sahaba, c'était un djihad. Et ils tuaient les Sahaba pensant qu'ils se rapprochaient d'Allah en les tuant. Celui qui pense des idées comme ça, ou qui a des croyances de ce genre, il est un grand danger pour les musulmans. Parce que s'il est capable de tuer un Sahabi, s'ils sont capables d'assassiner Ali ibn Abi Talib et Uthman ibn Affan, alors ils vont s'abstenir de tuer qui ? Hein? Parce qu'il n'y a personne de meilleur que ceux-là. Hein? Il n'y a personne de meilleur que les Sahaba. Donc celui qui se permet de les tuer et de les combattre en disant eux, ils jugent pas par la loi d'Allah, ou bien ils sont pas, ils font des péchés, ou bien ils font ci ou ils font ça, ils cherchent des défauts chez eux, et ils se permettent de les combattre. Donc s'ils se permettent de combattre ceux-là, ils peuvent se permettre de combattre tous les autres qui viennent après eux, parce que personne ne va jamais être aussi pieux et aussi savant et aussi religieux que les Sahaba, radiyallahu anhum. Donc, il dit le cheikh que Ali, radiyallahu anhu, il a fait le djihad contre les Khawarij, malgré qu'il croyait que c'était des musulmans. Et lorsqu'on leur a demandé à propos de leur mécréance, c'est-à-dire la mécréance des Khawarij, est-ce que ce sont des mécréants, il a répondu et il a dit, c'est de la mécréance qu'il s'enfuit. C'est de la mécréance qu'il s'enfuit. Donc, ça veut dire que il ne les considérait pas koufars. Et ici, le cher Suleyman, il dit, et une autre fois, on lui a posé la question à propos des Khawarij, il a dit, nos frères qui ont transgressé contre nous. Et cette citation-là, je crois que, comme certains, mes chers, ils l'ont clarifié, cette citation-là n'était pas à propos des Khawarij, mais plutôt à propos des musulmans qui étaient avec Muawiyah, hein, qui combattaient Ali radiallahu anhu à l'époque de la fitna. Donc, il a dit à propos de ceux-là, ce sont nos frères qui ont transgressé contre nous. Mais les Khawarij, il ne les a pas qualifiés de frères, même s'ils sont des musulmans, parce que les Khawarij sont un mal pour les musulmans. Hein? Donc, il n'est pas approprié de les qualifier de frères, hein? Alors qu'ils font du désordre et qu'ils font le takfir des croyants. Et le cheikh, il a dit, et la preuve de l'action de Ali radiallahu anhu de les combattre, ces gens-là, malgré leur islam, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée selon Arjafa qu'on a mentionné tout à l'heure. Quiconque vient à vous alors que vous êtes unis autour d'un seul homme et qui veut diviser votre unité et diviser votre jama'a, alors frappez-lui le coup, peu importe qui il est. Donc ça c'est clair à ce sujet-là. Et le cheikh il dit et que les dirigeants à toutes les époques et dans toutes les différentes régions, ils ont toujours fait le djihad, hein, contre celui qui s'est rebellé contre l'obéissance du dirigeant des musulmans, que ce soit c'est-à-dire les ulamas aussi, même les dirigeants, ils ont combattu ces gens-là, ils ont lutté contre eux, et les ulamas aussi, ils luttent contre ces gens qui font la rébellion, ils luttent contre eux, ils font le djihad contre eux en incitant les croyants à les combattre, hein. Et ils écrivent des ouvrages aussi et des livres dans lesquels ils clarifient le mérite de combattre ceux qui se rebellent contre les dirigeants et l'excellence de celui qui fait cette lutte-là et se tient dans ce combat-là. Et il n'y a pas de doute chez aucun d'entre eux à ce sujet et sur cette question. Excepté si le dirigeant en question ordonne une désobéissance, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis à quiconque de lui obéir, même qu'il est interdit d'obéir à une créature quelconque dans la désobéissance du Créateur. Fin de la citation. Et quand il dit ici l'imam, Cheikh Suleyman bin Sahman, quand il dit qu'il est interdit d'obéir dans le péché ou dans la désobéissance, ça c'est un principe parmi les principes de l'islam. Et que le dirigeant qui ordonne un péché, on n'a pas le droit de lui obéir dans le péché. D'accord? Sauf que ça veut dire que si le dirigeant il fait un péché ou il ordonne un péché, on n'a pas le droit de lui obéir dans ce péché en particulier. Ça ne veut pas dire qu'on rejette l'obéissance dans tout le reste. Hein? Ça c'est important de comprendre. C'est que on va s'abstenir de lui obéir dans le péché, mais on va continuer à lui obéir dans le reste de ce qui est ordonné de la religion d'Allah et dans le reste de qu'est-ce qu'il ordonne, de qu'est-ce qui est bien dans qu'est-ce qu'il ordonne. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la suite au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. On a fini ce chapitre aujourd'hui. Le prochain chapitre, c'est l'explication du terme al-jama'a tel qu'il est mentionné dans les hadiths. D'accord, donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته